Chapitre 39e. Le matin du jour fixé par Mademoiselle de Beauménil pour aller voir Herminie, Gérald de Senneterre venait d'avoir un long entretien avec Olivier. Les deux jeunes gens étaient assis sous cette tonnelle si particulièrement affectionnée par le commandant Bernard. La figure du duc de Senneterre était très pâle, très altérée. Il semblait en proie à une pénible préoccupation. « Ainsi, mon bon Olivier, dit-il à son ami, tu vas la voir ?»« À l'instant. Je lui écris hier soir pour lui demander une entrevue. Elle ne m'a pas répondu, donc elle consent. »« Allons, dit Gérald avec un soupir d'angoisse. Dans une heure, mon sort sera décidé. »« Je ne te le cache pas, Gérald, tout ceci est très grave. » Tu connais mieux que moi le caractère et l'orgueil de cette jeune fille, et ce qui est, auprès de tout autre, serait une certitude de réussite, peut avoir près d'elle un effet tout contraire, mais enfin rien n'est désespéré. Tiens, vois-tu, Olivier, s'il fallait renoncer à elle, s'écria Gérald d'une voix sourde, je ne sais ce que je ferais. Gérald, Gérald! Eh bien oui, je l'aime comme un fou. Je n'avais jamais cru que l'amour, même le plus passionné, put atteindre ce degré d'exaltation. Cet amour est une fièvre dévorante, une idée fixe qui m'absorbe et me brûle. Que veux-tu que je te dise? La passion me déborde, et je ne vis plus. Et d'ailleurs, tu comprends cela, toi? Tu connais Herminie? Il n'est pas au monde, je le sais, une plus noble et plus belle créature. Olivier, reprit Gérald en cachant sa figure dans ses mains, je suis le plus malheureux des hommes. Allons, Gérald, pas de faiblesse. Compte sur moi, compte aussi sur elle. Ne t'aime-t-elle pas autant que tu l'aimes? Voyons, ne te désole donc pas ainsi. Espère, et si, malheureusement, Olivier, s'écria M. de Senneterre en relevant son beau visage, où l'on voyait la trace de larmes récentes, je t'ai dit que je ne vivrais pas sans elle. Il y eut dans ces mots de Gérald un accent si sincère, une résolution si farouche, qu'Olivier trembla, car il savait l'énergie du caractère et de la volonté de son ancien frère d'armes. « Pour Dieu, Gérald, lui dit-il avec émotion, encore une fois rien n'est désespéré, attends au moins mon retour. »« Tu as raison, dit Gérald en passant sa main sur son front brûlant, j'attendrai. » Olivier, voulant tâcher de ne pas laisser son ami sous l'empire de pensées pénibles, reprit « J'oubliais de te dire que j'ai causé avec mon oncle de ton dessein au sujet de Mademoiselle de Beauménil, que tu dois rencontrer après-demain dans une fête, et il t'approuve fort. Cette conduite est digne de lui, m'a-t-il dit. Ainsi, Gérald, après-demain. Après-demain? S'écria le duc de Senneterre avec une impatiente amertume. Je ne pense pas si loin. Est-ce que je sais seulement ce que je ferai tantôt? Gérald, il s'agit d'accomplir un devoir d'honneur. Ne me parle pas d'autre chose que d'Herminie, le reste m'est égal. Que me font à moi les devoirs d'honneur quand je suis à la torture? Tu ne penses pas ce que tu dis là, Gérald? Si, je le pense. Non. Olivier, fâche-toi si tu veux, mais je te dis, moi, que ta conduite, cette fois comme toujours, sera celle d'un homme de cœur. Tu iras à ce bal pour y rencontrer Mademoiselle de Beauménil. Mais mordieu, monsieur, je suis libre de mes actions, peut-être. Non, Gérald. Tu n'es pas libre de faire le contraire d'une chose loyale et bonne. Savez-vous, monsieur, s'écria le duc de Senneterre, pâle de colère, que ce que vous me dites est... Mais voyant une expression de douloureux étonnement se peindre sur les traits d'Olivier, Gérald revint à lui-même, eut honte de son emportement, et dit à son ami d'une voix suppliante en lui tendant la main, « Pardon, Olivier, pardon. C'est au moment même où tu te charges pour moi de la mission la plus grave, la plus délicate, que j'ose... Ne veux-tu pas me faire des excuses maintenant ?» dit Olivier en empêchant son ami de continuer et lui serrant cordialement la main. « Olivier, reprit Gérald avec accablement, il faut avoir pitié de moi. Je te dis que je suis fou. » L'entretien des deux amis fut interrompu par la soudaine arrivée de Madame Barbançon qui, en entrant sous la tonnelle, s'écria « Ah, mon Dieu, monsieur Olivier !»« Qu'y a-t-il, Madame Barbançon ?»« Le commandant. »« Eh bien, il est sorti. » « Souffrant comme il l'est, dit Olivier avec une surprise inquiète, c'est de la grande imprudence. Et vous n'avez pas tenté de le dissuader de sortir, Madame Barbançon ?»« Hélas, mon Dieu, monsieur Olivier, je crois que le commandant est fou. » Que dites-vous ? C'est la portière qui a ouvert à M. Gérald en mon absence. Quand je suis revenu tout à l'heure, M. Bernard riait, chantait. Je crois même qu'il sautait, malgré sa faiblesse. Enfin, il m'a embrassé en criant comme un déchaîné. « Victoire, maman Barbançon, victoire !» Gérald, malgré sa tristesse, ne put s'empêcher de sourire d'un air sournois, comme s'il eût connu le secret de la joie subite du vieux marin. Mais lorsqu'Olivier, véritablement inquiet, lui dit « Y comprends-tu quelque chose, Gérald ?» Le duc de Senter répondit de l'air le plus naturel « Ma foi non, je n'y comprends rien, si ce n'est que le commandant aura sans doute appris quelque heureuse nouvelle, et je ne vois là rien de bien inquiétant. » « Une heureuse nouvelle, » dit Olivier surpris, cherchant en vain ce que cela pouvait être. « Je ne vois pas quelle bonne nouvelle mon oncle aurait pu apprendre. »« Ce qu'il y a de certain, » reprit Madame Barbançon, « c'est qu'après avoir crié victoire, le commandant m'a dit « Olivier est-il au jardin ?»« Oui, monsieur, il y est avec monsieur Gérald. »« Ah, Olivier est au jardin. Alors vite, maman Barbançon, ma canne et mon chapeau, je me sauve. »« Comment vont vous sauver ? Mais monsieur, lui ai-je dit, « faible comme vous l'êtes, il n'y a pas de bon sens de vouloir. »« Mais bah !» Le commandant ne m'a pas seulement écouté. Il a sauté sur son chapeau et a fait deux pas comme pour aller vous trouver dans le jardin, monsieur Olivier. Et puis il s'est arrêté court, a retourné sur ses pas et est sorti par la porte de la rue en trottinant comme un jeune homme et en chantonnant sa vilaine romance. Pour aller à Lorient pêcher des sardines, chanson marine qu'il ne chante que dans les grandes joies. Vous le savez, monsieur Olivier. Et pour lui, les grandes joies sont rares. « Pauvre cher homme !»« Raison de plus, si elles sont rares, pour qu'elles soient grandes, Madame Barbançon, » dit Gérald en souriant. « En vérité, lui dit Olivier, je t'assure que cela m'inquiète. Mon oncle est si faible depuis sa maladie qu'hier encore il s'est presque trouvé mal dans le jardin, après une promenade d'une demi-heure, tant il était fatigué. »« Rassure-toi, mon ami, jamais la joie ne fait de mal. »« Je vais toujours courir du côté de la plaine, monsieur Olivier, » dit Madame Barbançon. Il avait l'idée que l'exercice au grand air lui ferait plus de bien que ses promenades dans le jardin. Peut-être le trouverais-je par là. Mais qu'est-ce qu'il pouvait vouloir dire avec sa « victoire, maman Barbançon, victoire » Il faut qu'il ait découvert quelque chose de nouveau en faveur de son Bonaparte. La digne ménagère sortit précipitamment. « Allons, Olivier, » reprit Gérald, « ne t'alarme pas. Le pire qu'il puisse arriver au commandant est de se fatiguer un peu. » « Je t'assure, Gérald, que je suis moins inquiet que surpris. Cet accès de joie subite est pour moi incompréhensible. » 9 heures sonnèrent. Olivier, songeant à la mission qu'il allait remplir pour Gérald, lui dit « Allons, 9 heures, je vais chez elle. »« Bon, Olivier, » dit Gérald avec émotion, « tu oublies tout ce qui t'intéresse pour ne songer qu'à moi. Et moi, dans mon égoïsme, tout à mon amour, à mes angoisses, je ne te parle pas même de ton amour à toi. Quel amour ?» Cette jeune fille que tu as vue dimanche chez Madame Herbeau. Je voudrais, mon pauvre Gérald, que ton amour fût aussi tranquille que le mien. Si toutefois on peut appeler de l'amour l'intérêt naturel qu'on ressent pour une pauvre petite fille peu heureuse, qui n'est pas jolie mais qui a pour elle une physionomie d'une douceur angélique, un excellent naturel et un petit babil très original. Et tu y penses souvent à cette pauvre fille. C'est vrai, je ne sais vraiment pas trop pourquoi. Si je le découvre, je te le dirai. Mais assez parlé de moi. Tu viens de montrer de l'héroïsme en oubliant un instant ta passion pour t'intéresser à ce que tu appelles mon amour, dit Olivier en souriant, afin de tâcher d'éclaircir le front de Gérald. Cette généreuse action sera récompensée. Allons, bon courage, espère et attends-moi ici. Herminie, de son côté, songeait à la visite d'Olivier avec une vague inquiétude qui jetait un léger nuage sur ses traits naguère épanouis, rayonnant de bonheur. Que peut me vouloir, monsieur Olivier, pensait la duchesse. C'est la première fois qu'il me demande à venir chez moi, et c'est pour une affaire très importante, me dit-il dans sa lettre. Cette affaire importante ne doit pas le concerner, lui. Mon Dieu, s'il s'agissait de Gérald, dont monsieur Olivier est le meilleur ami, mais non. Hier encore, j'ai vu Gérald. Je le verrai aujourd'hui, car c'est demain qu'il doit parler à sa mère de nos projets. Cependant, je ne sais pourquoi cette entrevue me tourmente. En tout cas, je veux prévenir la portière que j'y suis pour monsieur Olivier. » Et Herminie tira le cordon d'une sonnette qui communiquait à la loge de Madame Mouflon à la portière. Celle-ci, se rendant aussitôt à cet appel, entra chez la jeune fille au moyen d'une double clé. « Madame Bouffon, lui dit Herminie, quelqu'un viendra ce matin me demander. Et vous laisserez entrer ?»« Si c'est une dame, bien entendu, je sais ma consigne, mademoiselle. »« Non, madame Bouffon, ce n'est pas une dame, » répondit Herminie avec un léger embarras. « Ce n'est pas une dame ? Alors ce ne peut être que ce petit bossu, pour qui vous y êtes toujours, mademoiselle. » « Non, madame Mouflon, il ne s'agit pas de monsieur de Maillefort, mais d'un jeune homme. »« Un jeune homme ? » s'écria la portière. « Un jeune homme ? Voilà par exemple du fruit nouveau. C'est la première fois. »« Ce jeune homme vous dira son nom, il se nomme Olivier. »« Olivier, ce n'est pas malin. Je me rappellerai des olives. Je les adore. Olivier, olive, huile d'olive, c'est la même chose, je ne l'oublierai pas. » Mais à propos, non pas de ce jeune homme, car il ne l'est plus jeune, le grand vilain serpent. Je l'ai vu encore rôder hier dans l'après-midi devant la porte. Qui cela, madame Mouflon? Vous savez bien, ce grand sec a une figure si ingrate, et qui a voulu récidiver pour m'induire à vous remettre un poulet. Mais, jour de Dieu, je l'ai reçu aussi bien la seconde fois que la première. Ah, encore, fit Herminie, avec un sourire de dégoût et de mépris en songeant à de Raville. En effet, ce cynique, depuis sa rencontre avec Herminie, avait plusieurs fois tenté de se rapprocher de la jeune fille, mais ne pouvant y parvenir ni triompher de l'incorruptibilité de la portière, il avait écrit par la poste à Herminie, et ses lettres avaient été accueillies avec le mépris qu'elles méritaient. « Oui, mademoiselle, il est encore venu rôder hier, » reprit la portière, « et comme je me suis mise sur le pas de la porte pour le surveiller, il a ricané en passant devant moi. Je me suis dit, « Ricane, va, grande vipère, tu rigeonnes. » Je ne puis malheureusement éviter la rencontre de cet homme, qui quelquefois affecte de se trouver sur mon passage, dit Herminie. Mais je n'ai pas besoin, madame Mouflon, de vous recommander de ne jamais le laisser s'approcher de moi. Oh, soyez tranquille, mademoiselle, il sait bien à qui il a affaire. Allez. J'oubliais de vous dire, reprit Herminie, qu'une jeune personne viendra sans doute aussi me voir ce matin. Les jeunes personnes et les dames, ça va tout seul, mademoiselle. Mais si le jeune homme, monsieur Olivier, vous voyez, je n'oublie pas le nom, était encore chez vous quand cette jeune personne viendra, eh bien, est-ce qu'il faudra la laisser entrer tout de même? Certainement. Ah, tenez, mademoiselle, dit la portière. Monsieur Bouffard, qui était si féroce pour vous, et que vous avez rendu comme un vrai mérinos depuis que vous donnez des leçons à sa fille, a bien raison de dire, il y a des rosières qui ne valent pas mademoiselle Herminie. C'est une demoiselle qui... Un coup de sonnette coupa court aux louanges de madame Mouflon. « C'est sans doute monsieur Olivier, » dit Herminie à madame Mouflon. « Priez-le d'entrer. » En effet, au bout d'un instant, la portière introduisit Olivier auprès de la jeune fille, et celle-ci resta seule avec l'ami intime de Gérald.